Le début des chroniques de Jean Froissart porte sur les origines de la guerre de Cent Ans. Puis, les opérations commencent. Édouard III d'Angleterre débarque en France. Philippe VI se porte à sa rencontre et une grande bataille a lieu à Crécy, en Picardie, août 1346. La chevalerie française subit une lourde défaite, mais elle sauve l'honneur par son courage. Au premier rang des braves, mort à Crécy, figure le roi de Bohême, Jean de Luxembourg.